La jambe de Damis, historique. Un petit créole s'ennuyait. Le créole est terrible quand il s'ennuie, et il s'ennuie souvent. « Maman, je veux un œuf, » dit l'enfant qui tâchait d'avoir faim. « Il n'y en a pas, ami, » dit avec regret sa mère. « Eh bien, à cause de cela, j'en veux deux, » cria-t-il en frappant des pieds. Son père se retourna vivement vers lui et dit « Veux-tu un soufflet, ami ?»« Je n'en veux pas, » répartit l'enfant avec une contenance fière. « Eh bien, à cause de cela, j'en donne deux, » dit froidement son père, en les lui donnant. Et il retourna à ses calculs. L'enfant rugissait. Quand il crut son père assez loin, il recommença ainsi. « Maman, je veux jeter Damis par la fenêtre. » Damis était un petit nègre endormi dans un coin. « Jeter Ami ?» dit la mère indolente, et le regardant faire. Damis sortit par la fenêtre et ne se réveilla qu'à terre avec la jambe cassée. Mais le terrible père rentra comme la foudre et saisissant son fils par les deux bras comme un oiseau par les ailes. « Va panser ton esclave, » dit ce singulier philanthrope, en le lançant par le même chemin, et il passa froidement auprès de sa femme évanouie. Coupable femme, en effet. La surprise et l'effroi avaient comme retenu le petit blanc dans l'air, car il tomba légèrement auprès de Damis mutilé, qu'il contempla stupide de terreur, mais sans la moindre blessure. Une négresse inondait silencieusement Damis de ses larmes. « Jambe cassée, » dit-elle enfin avec une voix de mère, en cachant sa tête sur le corps de l'enfant stoïque. Il n'avait pas poussé un cri. « Je ne veux pas que Damis ait la jambe cassée, » dit d'une voix sourde le petit colon pelotonné par terre. « Je ne veux pas que Damis ait la jambe cassée. »« Celle qui lui reste du moins sera libre, » dit derrière lui son père, qu'un mouvement d'humanité avait fait descendre. « Tu paieras l'autre 40 piastres à l'année, » ajouta-t-il en relevant le petit tyran, qui murmurait et qui sanglotait les mêmes paroles. « Je ne veux pas que Damis ait la jambe cassée. » « Moi, je veux que vous partiez tous deux, séparément, pour la France. Élevés de même, nous verrons ce qui en adviendra. » Ce qui en advint, le voici. Damis, guéri, s'appela depuis le sauveur des Blancs. Le jeune planteur, sauvé de l'influence fatale d'une mère trop faible et d'un père trop violent, fut depuis estimé sous le nom d'un philanthrope que nous l'osons signaler ici, car vous n'oublierez peut-être pas qu'il avait commencé par casser la jambe de Damis.